C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés » et leur mensonge les trompe en religion.